Les harems par Lucien Duras. Le mot harem vient de l'arabe haram qui veut dire chose sacrée, chose inviolable. Aussi est-il employé en Turquie, en Perse et dans tout l'Orient pour désigner l'appartement des femmes qui est en effet une chose inviolable pour tout autre homme que leur seigneur et maître. On confond assez généralement en France harem avec sérail. On emploie même plus fréquemment le mot sérail, et quand on a dit le sérail du grand turc, on a exprimé une idée qui excite la curiosité de tout le monde et que tout le monde comprend mal, attendu que le sérail est un palais et que l'harem n'en est qu'une partie, la partie secrète. Encore n'est-ce que par extension qu'on emploie ce mot pour désigner l'appartement, son origine le destinant plutôt à désigner l'assemblée des femmes, la collectivité conjugale d'un bon musulman. Chacun sait que ni la cérémonie ni les obligations morales du mariage n'existent en Orient. Les femmes n'y sont ni des amies ni des confidentes. Elles sont simplement esclaves et ne sont élevées au grade de femelles de l'homme que quand elles lui ont donné des enfants. Et encore, il y a bien à dire. Là-bas, on prend une femme comme on achète ici un cheval de luxe. On en a 10, 20, 30, non pas autant qu'on pourrait le croire par tempérament que par vanité, parce que tel de vos amis, ou surtout de vos amis, en a 9, 19 ou 29, et qu'il faut en avoir plus que lui. La loi religieuse n'en permet que 4. Mahomet trouvait que c'était assez. Mais la loi civile, qui a voulu que le Turc personnifiait un coq dans sa basse-cour, lui en permet autant qu'il peut en nourrir. Or, comme elle n'entre dans aucun détail au sujet de ladite nourriture, il en prend autant qu'il veut, quitte à les nourrir comme il peut. Le type du harem légendaire est naturellement celui du sultan. Je ne sais pas ce qu'il en est en ces temps tourmentés. Mais tout me porte à croire que si le grand seigneur actuel n'a pas encore eu le loisir de s'entourer d'un essaim de femmes dignes de son rang et des traditions sacrées, son harem n'en est pas moins peuplé de l'armée de fonctionnaires qui en a toujours été le plus vilain ornement. Ce sont d'abord 400 eunuques nommés Gaponoglantar, garçons de la porte, sous les ordres du Gisler Agassi, chef des filles, qu'on appelle aussi Dariseadet Agassi, chef de la maison de félicité. Immédiatement au-dessous de ce grand personnage, qui est eunuque comme ses subordonnés et noir autant que possible, viennent le validé Agassi, aga de la mer, qui est le premier eunuque de la sultane mère. Le Shah Zadeler Agassi, premier eunuque, gouverneur des princes, le Kazinedar Agassi, trésorier du harem, le Buig Oda Agassi, surveillant de la grande chambre, le Kouchnek Oda Agassi, surveillant de la petite chambre. J'en passe et des moins utiles. Toutes les femmes du harem sont esclaves. Il y en a là de toutes les contrées orientales, mais les plus estimées viennent de la Géorgie et de la Circassie. Comme cela s'achète sur des marchés spéciaux, comme de la volaille, on conçoit que le nombre en soit illimité. C'est dans ce tas d'odaliques, chambrière, que nous poétisons du nom d'odalisque, que le sultan se crée une famille. Il prend d'abord une demi-douzaine de femmes légitimes, qui s'appellent gadines, dames, et sont numérotées par ancienneté de choix. Ces épouses-là ne deviennent pourtant jamais sultanes, à moins que leur fils ne règne, auquel cas on les appelle des validés sultans, titre qui leur donne d'immenses privilèges, et notamment celui de pouvoir marcher à visage découvert, afin que le peuple leur rende les respects qui leur sont dus. En dehors de la sultane validée, le titre de sultane n'est donné qu'aux sœurs et aux filles du sultan. Il y a cependant une exception en faveur de la première odalique qui a l'honneur de donner un enfant au grand seigneur. On l'appelle Kasegi sultan, sultane favorite. Quant aux autres, qui suivent cet exemple de fécondité, elles sont seulement Kasegi, des favorites. Elles ont le droit d'habiter dans un appartement séparé et de s'y faire servir par des esclaves et des eunuques particuliers. De plus, elles touchent, à titre de Léach Makalik, l'argent des pantoufles, comme qui dirait pour leurs épingles, une somme qui n'est jamais inférieure à 25 000 piastres. Pour les odalisques non encore classées, elles vivent en commun, attendant qu'il plaise à sa hôtesse de leur jeter un mouchoir qu'elles passent leur vie à convoiter. Et si vous voulez savoir comment elles vivent, demandez-le à des témoins oculaires, des femmes naturellement. Car malgré le relâchement relatif de la discipline orientale qui permet l'entrée du harem à toutes les dames un peu curieuses, nos voyageurs, pourtant si friands d'étudier les mœurs lointaines, n'ont pas encore pu pénétrer dans ces demeures secrètes et profondes où habite le bonheur sensuel, si vanté par les historiens et les poètes arabes. Voici ce qu'en dit la princesse de Belgiojoso, qui, ayant longtemps vécu en Orient, en a étudié de visu les mœurs intimes. Le mot de harem désigne un être complexe et multiforme. Il y a le harem des pauvres, celui de la classe moyenne et du grand seigneur, le harem de province et celui de la capitale, celui de la campagne et celui de la ville, du jeune homme et du vieillard, du pieux musulman regrettant l'ancien régime et du musulman esprit fort, sceptique, amateur de réformes et pourtant redingote. Chacun de ces harems a son caractère particulier, son degré d'importance, ses mœurs et ses habitudes. Entrons dans le harem d'un bourgeois ou d'un gentilhomme campagnard. Qu'avant tout la voyageuse privilégiée qui veut visiter ce triste lieu ne se fasse aucune illusion et qu'elle se prépare à surmonter bien des répugnances. Un escalier de bois, aux marches vermoulues et disjointes, aboutit aux appartements supérieurs qui consistent en un grand vestibule donnant accès dans quatre chambres. Une de ces chambres est réservée au seigneur du lieu, qui l'habite avec sa favorite du moment. Les autres pièces sont occupées par le reste de ce qu'on appelle ici la famille. Femmes, enfants, hôtes du sexe féminin, esclaves du maître ou des maîtresses composent la population du harem. Il n'y a pas en Orient de lit proprement dit, ni de chambre spéciale consacrée au repos. De grandes armoires contiennent pendant le jour des amas de matelas, couvertures, oreillers. Le soir venu, chacune des habitantes du harem tire de l'armoire ce qui lui est nécessaire, fait son lit par terre n'importe où et se couche tout habillée. Quand une chambre est remplie, les survenantes s'établissent ailleurs, et si les chambres sont encombrées, les dernières venues se placent dans le vestibule et sur l'escalier. Rien n'est plus déplaisant pour des yeux européens que l'aspect de ces dames se levant le matin dans leurs atours de la veille, froissées et fanées par la pression du matelas ou par les mouvements irréguliers du sommeil. La famille du riche, du noble, du puissant seigneur de Constantinople présente le même spectacle d'immoralité et de turpitude naïve. Les dames de ces harems de premier ordre ne portent pas durant une semaine ni un mois le même costume froissé et souillé. Chaque matin, au sortir de leur couche somptueuse, elles quittent les vêtements de la veille et les remplacent par de nouveaux atours. Leurs robes, leurs pantalons et leurs écharpes sont de fabrique lyonnaise, et quoique les fabricants européens n'envoient en Orient que le rebut de leur manufacture, ces rebuts sont encore d'un fort bel effet lorsqu'ils enveloppent les formes magnifiques d'une de ces géorgiennes ou de ces circassiennes dont les harems sont peuplés. Ces deux genres de beauté ont des caractères bien différents. Autant la géorgienne est sotte et hautaine, autant la circassienne est fausse et rusée. L'une est capable de trahir son seigneur, l'autre de le faire mourir d'ennui. La grande occupation de ces dames, c'est la toilette. Aussi les trouvez-vous à toute heure vêtues de crêpes ponceaux ou de satin bleu de ciel, la tête couverte de diamants, des colliers à leur cou, des pendants à leurs oreilles, des agrafes à leur corsage, des bracelets à leurs bras et à leurs jambes, des bagues aux doigts. Quelquefois, des pieds nus paraissent à travers la robe de crêpe rouge et les cheveux sont coupés carrément sur le devant, comme ceux des hommes de nos pays. Les manières du beau monde féminin sont censées exprimer le plus profond respect, mêlé d'une crainte révérencieuse envers le seigneur du harem. Qu'il entre, et le silence se fait aussitôt. L'une de ses femmes lui ôte ses bottes, l'autre lui met ses pantoufles, celle-ci lui offre sa robe de chambre, celle-là lui apporte sa pipe ou son café ou ses confitures. Lui seul est en possession du droit de porter la parole, et lorsqu'il daigne s'adresser à l'une de ses compagnes, celle-ci rougit, baisse les yeux, sourit et répond à voix basse, comme si elle craignait de faire cesser le prestige et de s'éveiller d'un rêve trop doux pour qu'il puisse durer longtemps. Tout cela n'est qu'une comédie dont personne n'est dupe, pas plus qu'on ne l'est chez nous des airs d'innocence et de timidité d'une pensionnaire. Au fond, toutes ces femmes ont peu de sympathie pour leur seigneur et maître. Ces femmes, si aisément et si doucement émues, dont la voix n'est qu'un faible murmure, s'adressent les unes aux autres de forts gros mots sur un diapason aigre et criard. Il n'y a guère d'extrémité auxquelles elles ne puissent se porter contre celle d'entre elles qui jouit de la faveur du sultan. Les grandes dames de Constantinople ne se contentent pas de voir le monde à travers le grillage de leurs fenêtres. Elles vont se promener dans la ville, dans les bazars, partout où il leur plaît, et sans être soumises à aucune surveillance incommode. Les femmes vénitiennes jouissaient jadis, grâce à leurs masques, d'une excessive liberté. Le voile des femmes turques rend à celles-ci le même service. Le mari le plus jaloux passerait auprès de son épouse sans se douter de son malheur. Car non seulement le voile couvre le visage, non seulement le ferraja, sorte de manteau, couvre toute la personne et lui donne l'air d'un paquet, mais voile et ferraja sont tous de même étoffe, de même forme et presque de même couleur. C'est un domino qui ressemble à tous les dominos. Les dames turques sont donc assurées de garder leur incognito aussi longtemps qu'il leur plaît, et l'infidélité n'est point accompagnée de danger. Dès lors, pourquoi seraient-elles fidèles? Serait-ce par amour pour leur mari? Elles les détestent. Serait-ce par respect pour leur devoir? Le mot même de devoir n'a pour elles aucune sorte de signification. Elles font donc l'usage qu'il leur plaît de la liberté que les mœurs leur accordent. Ce qu'on vient de lire pour la Turquie peut s'appliquer exactement à la Perse, où les harems sont organisés de la même façon. Seulement la discipline y est plus rigoureuse. Ainsi, les femmes n'ont pas, comme en Turquie, les bains publics, où elles vont comme en partie de plaisir, sûres d'y rencontrer leurs amis. Et quand elles sortent, ce qui n'arrive ordinairement que le soir, elles sont accompagnées de farouches eunuques, qui crient à haute voix pour arrêter les gens qu'elles seraient susceptibles de rencontrer, et qui frappent avec de longs bâtons ceux qui refusent de s'éloigner. Encore ne suffit-il pas, pour éviter les coups, de quitter les rues par où doivent passer les femmes, mais encore les maisons dont l'on pourrait les apercevoir. Oh, les Persans sont très fidèles aux prescriptions du Coran, qui servent admirablement leur jalousie native. Ils ne laissent voir leur femme à quiconque n'en a pas acquis le droit par sa parenté. Encore ce droit ne s'étend-il qu'au père, au beau-père, au fils, au beau-fils, aux frères et aux neveux. Si bien que lorsqu'il devient indispensable d'appeler un médecin auprès d'une femme persane, non seulement il ne voit pas le visage de sa malade, mais il ne peut lui tâter le pouls qu'à travers une épaisse mousseline destinée à empêcher un contact trop intime. Eh bien, les médecins guérissent tout de même. La nature a tant de ressources. Cette rigueur ne s'étend pas jusqu'à l'Extrême-Orient. Le sultan de Java, par exemple, ne cache pas son bonheur avec tant de soins. Le comte de Beauvoir a eu le plaisir de visiter son harem, et nous ne saurions mieux faire que de répéter ce qu'il en dit. C'est d'ailleurs un tout autre tableau. Nous ne tardons pas à entrer dans la salle la plus étrange, où nos yeux dévorent un fouillis de dorures, de nattes, d'arabesques, de lits historiés et enluminés. Là s'élèvent à l'intérieur des escaliers tournants de bois de sandal, de petits pigeonniers, sortes d'hôtels au perché, autour desquels brûlent des parfums suaves dans des coupes suspendues et voilées légèrement par la fumée qui se perd en tourbillonnant. Dans cette salle, qui peut avoir 150 mètres de profondeur, il y a comme des vallées et des montagnes. Les boiseries ciselées à jour en font un labyrinthe, et des femmes effrayées y circulent comme des ombres fugitives. Mais le sultan appelle, et nous avons devant nous l'essaim charmant, par la genèse plus que par la couleur, de ces 40 femmes, vraies poupées de cire bien luisantes, toutes souriantes à son regard et langoureuses dans leur pose. Leur buste élégant et fait au moule n'est orné que de colliers et de joyaux. Un sarron rose est noué sur leurs hanches. Je crois rêver, en vérité, emporté par un songe des mille et une nuits. Le sultan nous présente à sa mère et à 4 autres bonnes vieilles momies qui étaient également femmes de feu son père, puis vient le tour de ses filles, dont la plupart ont pour tout vêtement une parure de diamant. Elles sont au nombre de 48. Le sultan s'étant marié à 12 ans, cela lui fait une moyenne de 3 filles par an à ajouter à ses 2 fils. À Siam, il est encore plus facile, au moins pour les voyageurs européens suffisamment accrédités, de pénétrer dans le séjour des houris. Le même monsieur de Beauvoir nous donne sur les harems des mandarins siamois des détails fort intéressants. Chaque mandarin, dit-il, possède un harem de 12, 20 ou 30 femmes, suivant son caprice et son budget. Selon son degré dans la hiérarchie, il doit se distinguer par le nombre et la qualité de ses femmes. Parmi elles, une seule est dite grande, c'est celle qui a été épousée après les hanmak ou fiançailles solennelles. Toutes les autres sont réputées petites. Presque toutes sont achetées. Mais je n'ai pu savoir au juste le prix moyen. J'en ai vu du prix de 700 à 800 francs qui sont fort gentils. Avec 1500 francs, on doit acquérir des créatures vraiment angéliques. Chose essentiellement bizarre et paradoxale, c'est la grande femme qui est chargée de faire les achats de remonte du harem. C'est elle qui a la haute main sur toute la troupe, qui l'amène à la promenade, préside à la cuisine, au logement, à la toilette. mais aussi elle seule peut hériter et donner naissance à l'héritier du nom et de la fortune. Elle seule ne peut être vendue. Quant aux autres, lascivum sed miserabili pecus, s'ils font, par leur grâce, leur beauté et leur jeunesse, les délices du maître, elles ne sont pourtant qu'une marchandise. Et lorsque le mandarin perd au jeu, achète des terres ou fait de mauvaises affaires de commerce, sa bourse épuisée, il paye en femmes et en enfants qui deviennent, un taux fixé par la loi, la propriété des créanciers. Voici en quelques mots la hiérarchie de ces harems. En tête, la grande mandarine, vieille matrone en général, dont le crâne rasé n'est plus ombragé que par un toupet blanchi et dont les mollets se rident. Puis viennent 15 ou 20 petites jeunes femmes coquettes et pimpantes, avec l'écharpe sur la poitrine si elles sont tachetées depuis moins de 2 ans, sans autre vêtement que des colliers d'or jusqu'à la ceinture si la lune de miel est passée. La reine du moment, favorisée par le maître, se distingue souvent par la surabondance des joyaux. Voilà bien des renseignements, n'est-ce pas ? Des citations dont les faits sont trop facilement contrôlables pour n'être pas rigoureusement exactes. Eh bien, malgré leur intérêt, nous sommes convaincus qu'ils seront insuffisants, car rien ne saurait assouvir la curiosité que la poésie seule du mot harem éveille dans les jeunes imaginations. On aurait beau en décupler le nombre, entrer dans les détails les plus matériels, raconter les épisodes les plus improbables, le vrai harem, le seul harem, celui qu'on rêve comme un séjour de délices, comme le paradis promis par Mahomet, sera toujours celui qu'on ne connaît pas, par la raison fort simple qu'il n'existe pas. Ainsi s'achève Les harems par Lucien Duras.